Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru, ouais. Et bonsoir à tous, bienvenue dans les bons crus. Vous êtes avec les sommeliers du rap. Bonsoir. Julien et Jérôme, pour vous servir. Nous sommes plus que deux. C'est ça. Petite dédicace à Simon si tu nous écoutes. Et on va partir sur une petite récolte, c'est la fin du mois. Ouais, pour recommencer sur notre duo sur les bons rails. C'est ça. Histoire de se remettre, comme tu dis, dans le mood. Yeah. Donc, les récoltes, petite sélection des derniers morceaux découverts, morceaux du mois de janvier et peut-être d'un peu avant pour ceux qui ont triché. Ouais. Pas moi, mais. je sais pas si tu sais, est-ce que tu penses que les gens préfèrent les. Faudrait qu'on. Si jamais vous écoutez les podcasts, dites ce que vous préférez, quand même, ce serait bien qu'on sache aussi un petit peu qu'est-ce que le. Est-ce que la récolte c'est un truc que vous préférez ou est-ce que c'est plutôt des sujets ou les dilemmes, les choses comme ça, ce serait cool. Ce serait cool de faire un petit sondage, ouais. Ouais. On va mettre ça en place. Du coup, tu ouvres le bal ? Ouais, j'ouvre le bal. J'ai pris une énorme claque et ça tombait bien que ça, que ça soit à ce moment-là. Il me manquait une petite bastos pour mon top des morceaux sortis dans le mois de janvier. Et il y a notre ami ASAP Ferg, que l'on affectionne particulièrement, Jérôme et moi, qui vient de sortir un morceau. Qui je pense annonce, ça doit être à mon avis un single de son prochain projet, puisque son dernier projet, il n'est pas si jeune que ça, je crois. Hein. C'était, Ah si, quand même, c'est sorti en 2019. Ah, 2019, oui, le Floor Seats, c'est ça. Ouais, ouais, il était un peu sorti en sous-marin. Ouais. En août, ouais, c'était pas, mais ça a pas fait un grand bruit. Pourtant, c'était lourd. Ouais, c'était un vraiment peu, bien. Il revenait à des trucs très... un peu, moi j'ai trouvé genre un peu à la Beastie Boys ou des trucs un peu énervés, quoi, où ça, c'était des grosses instrus limite un peu rock. Ouais, donc c'était pas mal. C'était Là il revient plutôt sur du gros son bien énervé. Il est très très très énervé. Il est pas content. et moi je l'aime bien quand il est pas content parce qu'après il a toujours sa palette de flow avec sa voix qui s'emballe un petit peu et tout ça. Et ça je trouve ça vraiment intéressant. Il arrive à jouer grave avec sa voix et c'est pour ça que j'aime bien ASAP Ferg d'ailleurs. Mais depuis le tout départ il le fait et il continue sur ce morceau avec un petit sample dont je tairai le nom. Vous trouverez, c'est un sample de voix qui est facile à reconnaître. Et le morceau s'appelle Value. Voilà. Look at me now. Fuck, are you kidding me? All of my jewelry costs about 100,000. Enemies never had sympathy, Fergie finna lay him down. Sippin' on Hennessy, hoppin' up mentally, fucking your bitch in the mouth. Who am I? Trap, no. Ayy, look at me now. Trap, no. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Trap, no. Yeah. Look at me now. Trap, no. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Fell in love with a stripper, and that is what happened today. Find that bitch on the Insta, and that ain't the fuck what I say. Told that girl like I finna fly my ass out to LA. Girl acting like she Alpo, put that cake all in my face. Blacko cop new Rari, tell his ass I wanna race. V-Lo Duggan with Bari, all of my niggas got taste. We gon' march in the party, get the fuck out of my way. 30 got kicked like karate, don't wanna meet the AK. Ay! Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me, look at me now. Fuck, are you kidding me? All of my jewelry costs about 100,000. Enemies never had sympathy, Fergie finna lay him down. Sippin' on Hennessy, hoppin' up mentally, fucking your bitch in the mouth. Who am I? Trap, no. Ayy, look at me now. Trap, no. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Trap, no. Yeah. Look at me now. Trap, no. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Send a couple niggas to your bando. Send them hot rocks to your sandals. They say I remind them of Rondo. Light his ass up like a candle. Like a Alejandro, my Dominican bitches like yellow. Yeah. Know a couple niggas with the brother nose. Dumb banana clip will fuck up your deck. Pull up to your crib like dominoes. Flippin' on a nigga like Circus Olay. Man, I need my money pronto. I took your time and time ago, I cannot wait. This shit feel like I'm in the country. about 100 thou. Fuck all my enemies, never had sympathy. Fergie finna lay him down. Sippin' on Hennessy, hoppin' up Bentley, fucking your bitch in the mouth. Who am I? Trap Lord. Ayy, look at me now. Trap Lord. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Trap Lord. Yeah. Look at me, look at me now. Trap Lord. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Et vous êtes dans les bons crus, et j'espère pour vous que vous sirotez une bonne bière comme nous. J'espère aussi. Pour nous, c'est une petite belle rose, une bière blonde plutôt savoureuse. Bah ouais, elle est vraiment très bien choisie, elle est très bonne. Ouais. Avec des petits chips salt and vinegar. Là, ouais, franchement, mais... on est au top du... Ouais, je crois que là, on est au the finest. Du gourmet game. Donc là, c'était moi qui trichais avec un morceau de décembre. Mais c'est sorti à la toute fin décembre, franchement, j'ai même pas eu le temps de bien écouter le projet. Il aurait pu être dans mon top 2019. Donc c'est le projet qu'a sorti Travis Scott avec les mecs de son label, en fait. Il a un label Cactus Jack. Il a sorti donc, ça s'appelle Jack Boys. Et il a signé notamment Don Toliver, donc celui qu'on entend sur le refrain là, de ce morceau. Ça me rappelle un peu T-Pain. C'est un peu. Il a un truc mélancolique comme ça et je le trouve très fort. Et en fait, sa voix, elle m'avait marqué dans le reportage Netflix sur Travis Scott. Il y a tout un passage sur ce mec. Je l'ai pas vu le reportage sur Travis Scott. Ouais. Et faut que je regarde. Ouais, bah pff, parce ça que se regarde. Je pense que même ça si on n'aime pas Travis Scott, je pense. Franchement, que il est sympa. Au début, t'as l'impression que ça part en auto-promo et tout, mais il y a tout un passage où. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais il y a tout un passage où finalement tu découvres un peu qui il était gamin et un peu sa famille et un peu comment il s'est construit. Enfin, c'est, voilà. Il y a deux visages du truc. Le truc où c'est genre le dieu de la scène, mais tu vois, un peu grossièrement, quoi. Et tout le passage un peu plus intéressant derrière. Et donc ça, c'était avec Offset et Quavo. Et on parlait de Migos, on les attend fort. Ouais, grave, j'aimerais trop. Mais après, ils devaient sortir en 2019. Ils avaient dit janvier, normalement, ils avaient dit au début. Mais... Ça fait un an qu'on attend, quand même. Ouais, bon, de toute façon, ils se font toujours tous attendre, hein, au final. Donc voilà, Jack Boy, c'était bien. Et autre rappeur à noter sur cette compile, c'est Check West. Ouais, Check West, voilà. On en avait parlé déjà. Ouais. Donc voilà, on va passer à la suite. Tu m'as surpris là avec ton prochain morceau là. Ouais, je me suis laissé avoir. En fait, j'ai écouté la compile Dreamville où il y a plusieurs rappeurs et tout ça. Mais ils ont sorti la réédition, le deluxe avec des morceaux supplémentaires. Ouais, voilà. Mais dedans, il y a un morceau Earth Gang featuring Reason. Et du coup, j'ai trouvé le morceau vraiment lourd. Pourtant, c'est pas. Après, Earth Gang, il y a des trucs que j'aime bien. C'est pas trop ma cam. Plus que ça, mais il y a des morceaux. Ils ont un peu la vibe Outkast. Ils viennent d'Atlanta de toute façon, donc ouais. En même temps. Mais le truc à chercher des aigus, un peu comme. En fait, ils sont. Dans Outkast, ils seraient vraiment comme André 3000, quoi. Ouais. C'est lui qui les a plus matrixés et c'est ce truc-là qui. De toute façon, leurs influences, c'est plutôt soul, funk et tout ça. Ouais, bah voilà. Mais ouais, donc cette compile, elle est assez courte, mais j'ai trouvé ça vraiment. Vraiment bien, franchement ça m'a plu, tu vois, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, je le mets dans mon top direct, tu vois. Ouais. Sorti en janvier, du coup. Et Reason, c'est un mec du label de Tidy. Mmh. Un peu un second couteau qui gagne à être connu, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, Et le morceau, c'est Still Up. Allez, c'est parti. Got a long ass text message to the time. Yeah, I read it. Sensitivity, not my best friend, but I get it. Say she love me real special, but my heart is real heavy. Try to lighten up the load for the speakers in my Chevy. Beat money, damn, still up, yeah. Ten summer, fuck, still up, yeah. Spend it, yeah, still up, yeah. No shit, nah, still up, yeah. I got bitches on my line, I got a million on hold. And I love them all the same, gon' be the death of me though. I took two more to the brain and never stepped on the floor. Baby, baby, I'm an angel from my head to my toes. Beat money, damn, still up, yeah. Ten summer, fuck, still up, yeah. Spend it, yeah, still up, yeah. No shit, like, still wait, up, like, yeah. Wait, top dog, still up, damn. Dreamville, damn. Still up. What's up? I done work hard, got bucks up. Loud money, niggas got hushed up. I'm on earth gangin', niggas got wavin'. Now we got old game fucked up, yeah. Made it to the top position. Work till I take top position. Tear every car off the lot, we whippin', I'm in a high position. I ain't used to have a pot to pissin'. Nigga, I been so focused. Nigga, move over. Niggas ain't loafin'. I'ma bring change like diggin' in sofa. Squeeze on game like niggas turn Cobra. I'm in Verizon, niggas T-Mobile, gang, eh. Still up, wait. Ain't shit changed, nah. We still us. She ain't cute, but we drunk, yeah. Fat ass, shit, still fuck, still fuck. I got bitches on my line, I got a million on hold. And I love them all the same, gon' be the death of me though. I took two more to the brain and never stepped on the floor. Baby, baby, I'm an angel from my head to my toes. Beat money, damn, still up, yeah. Ten summer, fuck, still up, yeah. Spend it, yeah. I was in the Pontiac with my dude bragging about a hoe he bad. Then we screwed sipping on the Pontiac with the juice. Swerves on the curb, little talk about a nigga roll a blunt. Nigga, lucky you. Jesus saved the world, money made the rules. Nigga living dirty, feel like Bonnaroo. Feel like I was told, feel like I could chew. Feel like getting blown when I got the blues. Used to wild home, read by soldiers, quit high defense. Hoes in my shoes, hoes in your story. I smell a rat. You don't see money till we see the proof. Bitch, I'm rare, it's a million used for the internet shit. What you really gonna do? I been in my bag, I'ma carry on too. My day one's barbarians too. I walk through, glow like aquarium dude. Marry my job. Paradise go wherever I move. Feeling like pop, but I'm living like Snoop. Dying, denying, living your truth. Giving no fuck, still spilling like oops. I got bitches on my line, I got a million on hold. And I love them all the same, gon' be the death of me though. I took two more to the brain and never stepped on the floor. Baby, baby, I'm an angel from my head to my toes. Beat money, damn, still up, yeah. Ten summer, fuck, still up, yeah. Spend it, yeah. me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit, I always shine. Even when it like them. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. That's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Crazy, might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Et on vient d'écouter Mac Miller, REP, qui ouais. a sorti, à ma grande surprise, et à la tienne aussi, puisque j'étais en train de t'en parler hors antenne, ouais, mais je le savais pas, tu vois. Un nouvel album. Et donc apparemment, ça, en fait c'est toujours un peu délicat les albums, on va dire post-mortem, je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais tous ces albums d'artistes qui avaient enregistré avant leur mort en fait. Mais y a Tupac, hein. C'est quand même celui qui a sorti le plus d'albums après sa mort. Ouais. Même plus que de son vivant, j'ai l'impression. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Après, t'es très très productif, Tupac, je crois. Ouais, donc il était tous les jours en studio. Ouais. Donc il y avait de la matière. Là, l'album s'appelle Circles. Et en fait, il a été enregistré un peu en même temps que Swimming, qui est sorti juste avant que Mac Miller ne décède. Donc c'était en 2018, je crois. Et donc c'était censé être un diptyque, donc Swimming in Circles, donc nager en rond, enfin voilà. Ouais. Et pour le coup, c'est un auteur-compositeur, enfin John Bryan, donc qui a fait des musiques de films, voilà, qui est plutôt dans un son pop-rock, on va dire, qui a fini l'album de Mac Miller parce qu'ils bossaient ensemble en studio. Donc là, le son qu'on vient d'écouter, c'est Blue World. Bon, c'est un des morceaux les plus rap de l'album, donc c'est pour vous dire un peu le ton de l'album, qui est pas très rap du tout. Et il chante beaucoup, voilà, c'est surprenant à écouter. C'est dans la veine de certains morceaux qu'il avait déjà du précédent album, mais voilà, c'est moins funky à part ce morceau-là. Et Mais c'est quand même hyper cool à écouter. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas encore trop écouté l'album. Pas trop de recul pour l'instant. Ouais, je sais pas si ce sera un flop ou ouais. Je pense qu'il faut l'écouter. Faut être dans le bon mood aussi. En plus, j'aime bien Mac Miller. Ouais. Voilà. Donc. Voilà, ah, t'as quand même pas l'air emballé. Hein. C'est pas que je suis pas emballé, c'est qu'en fait ça me fait bizarre d'écouter cet album. Voilà. Après, de toute façon, les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ouais. Il sera pas là pour être déçu ou content. Hein. C'est ça. Et c'est toujours. En fait, on se demande toujours si c'est de la volonté de l'artiste ou. Donc là, le message a été clair, enfin donné par sa famille. C'est des morceaux qui étaient prévus. Il était en train de l'enregistrer. Donc c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part, fait de brick et de broc, et on pose ses acapellas sur des instrus, c'est pas ça. Donc c'est déjà mieux, que ce qu'on a pu entendre pour d'autres artistes, mais voilà. Du coup, on va passer à la suite. Toi, t'avais un truc un peu, on va repasser à un peu du son américain, bien trap. Ouais, il y a l'album de Moneybagg Yo qui est sorti. Alors, monsieur Moneybagg Yo, c'est un rappeur de Memphis qui est un peu associé. Enfin, moi, je l'associe un peu à Young Dolph et tout ça, tu vois. C'est le même genre de. Pour moi, c'est un peu le même genre de rappeur. Mais il a un peu la même voix d'ailleurs. Enfin, c'est une voix grave et tout ça. Donc, l'album, il s'appelle Time Served. Il est sorti exactement le 10 janvier 2020. Il y a pas mal de titres. Il doit y avoir, je crois, il y a 15 titres. C'est déjà pas mal. En featuring, on retrouve Monsieur Futur dessus. Yes. Il faudra que t'écoutes. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau avec Lil Baby. La pochette est vraiment réussie. C'est plein de montres qui sont éclatées et tout ça. Des Rolex, des montres en or et tout. Enfin, je trouve la pochette, elle est vraiment réussie. L'album, en fait, le seul souci, c'est que c'est bien. Mais ça peut vite devenir réverbatif. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais te demander en fait. Est-ce que les sons se ressemblent pas un peu trop? Si, tout est bien. Enfin, c'est bien, mais c'est réverbatif. Ouais. Comme parce que 15 albums où c'est toujours le. Bah, ça me fait penser un peu à un album de Gunna ou tu vois, ou un album de Lil Baby au final. Et ou alors même, ça peut arriver aussi. Moi, j'aime beaucoup Young Dolph, donc je vais pas le critiquer, mais un album de Young Dolph qui peut être un peu toujours la même chose, tu vois. C'est un peu le problème des petits. Ouais. D'autres rappeurs. Je trouve. Ils font toujours la même chose. Ils se spécialisent dans un truc. Après, il le fait très bien. Mais ouais, bon, j'ai choisi un morceau parce que c'était la récolte et j'ai quand même l'album, je l'ai torché quand même. C'est un album qui passe bien en plein de situations. Tu vois, quand tu roules, tu peux l'écouter aussi quand tu fais du sport. C'est motivant, tu vois, c'est ouais. Assez énergique. Donc okay. le morceau, c'est You Played featuring Lil Baby. Allez, c'est Tipa. Take it, it's too hard. But fuck it, I'm paid. Lil' AB the body, he fresh out the cage. I'm still the same nigga from minimum wage. They tryna keep up, so they stalking my page. They do what I say, they tryna get saved. They line up for me like they copping the J's. I told her, get right, start acting your age. Can't believe you tried it, bitch, you played. Wanted a diamond choke as soon as her time was over. Bitch, you played. She wanna ride the Rover. Told her Uber was closer. Bitch, you crazy. She tried to show out in public. I cut the bitch out like it's nothing. Bitch, you played. She must've thought I was stupid. I knew she was fucking my cousin. I don't got a cold. I'm sipping on hat. Take a deuce of that yellow. I'm straight out the project. The first nigga played with me. He got shot at. 100 some shots. Flipped the car. That's a car wreck. I really don't need to be speaking on it. But fuck it. You know how I be when I get high off them motherfucking medicals. Get in the booth and go federal. They copying my style. I had to go get that. Like, boy, get my motherfucking shit back. She wanna chill, but this ain't no kickback. Pass it to my teammate. I assist that. Straight to the jet. Then I'm gone. Land in a new time zone. All the hoes pressed. Niggas looking stressed. They can't accept that I'm on. I don't got a heart. But fuck it. I'm paid. Lil' AB the body, he fresh out the cage. I'm still the same nigga from minimum wage. They tryna keep up, so they stalking my page. They do what I say, they tryna get saved. They line up for me like they copping the J's. I told her, get right, start acting your age. Can't believe you tried it, bitch, you played. Wanted a diamond choke as soon as her time was over. Bitch, you played. She wanna ride the Rover. Told her Uber was closer. Bitch, you crazy. She tried to show out in public. I cut the bitch out like it's nothing. Bitch, you played. She must've thought I was stupid. I knew she was fucking my cousin. Bitch, you played. She out here wild and telling her friends I'm buying a fly. A bitch, you child. I never mind them, I'm getting mine. I'm one of the flyers, got no style. Pop my shit, roll truck, my drive. Rats like books, ain't been no cops. DS my teeth, I come through smiling. Brand new land, we come through. wild. Couldn't get it up, none of shit just piling. Everybody drip, turn the hood to an island. Last name Rich, first name not riding. They ain't my hit, can't claim that body. They ain't my whole damn show, ain't my side. Wish I would take little hoe shot. Soon as I do it, it's foreign to copy. Still in the hood, I can never get caught. I don't got a heart, but fuck it, I'm paid. Lil A.B. the body, he fresh out the cage. I'm still the same nigga from minimum wage. They tryna keep up, so they stalking my page. They do what I say, they tryna get saved. They line up for me like they copping the J's. I told her, get right, start acting your age. Can't believe you tried it, bitch, you played. Wanted a diamond choker, soon as her time was over. Bitch, you played. She wanna ride the Rover. Told her her Uber was close. Bitch, you crazy. She tried to show out in public. I cut the bitch out like it's nothing. Bitch, you played. She must have thought I was stupid. I knew she was fucking my cousin. Bitch, you played. Got his head wet, cross a nigga up like shit. I got a thick bitch in the room, give me Nick. Hit a nigga head, let bit. No surgery, but I put titties in it tech. Mad black, brand new vet. Shoot my shot, I'ma wet shit, here now Nick. Throw back the talk, then swear through curves. Whippin' on boom. 2-2-3, put a nigga in the dirt. He got sloppy seconds, I hit the hoe first. Brand new vert, let the crew go skirt. Trench life, nigga, I was putting in work. Try to do work, but it work, didn't work. All up to him, chop singing like Lil Durk. Fuck for an hour, nut on a perk. Hit it, block, took out, shit got burned. I ain't doing no hating, I just waited my turn. Niggas ain't never gon' learn. Yeah, you gotta put work in, shit, shit don't happen. Send me out of man, let the bitch start clapping. Still fuck, cuck, give a damn, she plastic. Got a little bit, cut me, daddy, what happened? 1-2-3, stick, see through clip. 4-5, bricks, hit a lick, then dip. 6-7 niggas got popped over here, don't walk over here, you could down it, block. Clock get caught, then clock get popped, doing straight walk downs, when you shooting that car. Big boy pop, went to the shit lock. Karate, 8 or 9 brick, got chopped. Spin through a nigga block, do-do-do-do-do-do. Nigga, we ain't doing no talk. If you throw shots, then the shots got caught. Shots reverb. And we popped out up. I ain't going back and forth on the Instagram, D Young. I get a nigga top knocked out. I ain't doing all that yelling on the phone, I get his ass wet. Top gone. Riding in the coupe by 2-3 Glocks. Riding in the coupe by 2-3 Thacks. Riding in the coupe by 2-3 Bricks. Got 2-3 Sticks, get 3 us pop. 1-2-3 Sticks, see through clip. 4-5 Bricks, hit a lick, then dip. 6-7 niggas got popped over here. Don't walk over here, you could down it. Clock get caught, then clock get popped. Doing straight walk downs when you shooting that car. Big boy pop, went to the shit left. Karate, 8 or 9 Brick got chopped. Always work, always on duty. Clock burst, get a murk, if you do something stupid. Use your brain for we turn it to noodles. Slim little bad bitch, look like Karuchi. Niggas stop talking like Nike, Jay do it. Jay do it. Start acting like a thug on computers. Hang around drum, making do the little Uzi. Chris Brown the beat, by fucking abusing. Get your ass for the same price I spent on that Gucci. Nigga want smoke, let's do it. 1-2-3 Sticks, see through clip. 4-5 Bricks, hit a lick, then dip. 6-7 niggas got popped over here. Don't walk over here, you could down it, block. Clock get caught, then clock get popped. Doing straight walk downs when you shooting that car. Big boy pop, went to the shit lock. Karate, 8 or 9 Brick got chopped. Spin through a nigga block, do-do-do-do-do-do. If you throw shots, then the shots got caught. I ain't doing all that yelling on the phone, I get his ass wet. Talk off. Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Vous êtes de retour dans Les Bons Crus avec Jérôme et moi-même, Julien. Donc, on a écouté en deuxième position Maxos, un rappeur un peu fou, comme vous avez pu le... Il est foufou, là, il est foufou. Il est foufou, il est tout le temps un peu énervé. Et là, il a sorti, du coup, un album. Je vais vous retrouver le nom, mais je vais juste parler un peu avant de Maxos. Donc, c'est un jeune rappeur qui a commencé sa carrière en 2016. Il a sorti un track qui s'appelle Good Morning et un autre qui s'appelle Swerve, qui était plutôt qui l'ont fait un peu connaître. Et le dernier, le plus qui était aussi connu, s'appelle Super Mario. Enfin, il est très influencé par tout ce qui est de l'espace, les extraterrestres et tout. Il s'est autoproclamé l'homme de Saturne, Saturn Boy. Ouais. Et c'est il a sorti pas mal de trucs sur Run It Up Record, donc les collaborations avec DaBaby, Lil Kid et Lil Baby, tout ça. C'est un rappeur qui vient d'Atlanta. Donc bon, là, bonne découverte, hein. Ouais. L'énergie. Ouais, il a de l'énergie. Moi, je vois le lien avec DaBaby clairement sur l'instru. Ouais. Mais après, dans les flows, bon, c'est un peu autre chose et tout. Mais... Ouais, ouais. Mais en fait, ça, c'est pas un album. Autant pour moi, je préfère faire les rectifications tout de suite. J'avais cru que c'était l'album, mais en fait, non, c'est le single qui va annoncer l'album, qui s'appelle donc Internet Gossip et qui est sorti le 22 janvier. Donc, il va sortir un nouveau projet, alors qu'il avait déjà sorti un projet, un single en 2019, en juin. Qui avait pas suivi, et je pensais qu'il allait en fait sortir l'album, mais non, et puis là, il vient de ressortir ce single-là. Donc là, il teste un peu. Que normalement, qu'il devrait annoncer l'album, mais après... Tu sais, des artistes comme ça qui débutent, ils attendent de trouver le single qui va prendre, et une fois que ça prend, ils sortent l'album. Mais des fois, c'est... Parce qu'il avait sorti un album quand même, Maxos, en 2019. Il en a quand même sorti un en octobre après. Mais j'attendais qu'il en fasse... quelqu'un qui est assez productif. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse un autre truc, mais bon. Bon, à suivre. Ah, il est un peu foufou. Ouais. C'est un jeune, je pense que je sais pas si... Maxos. Maxos, M-A-K-S-A-U-C-E, comme une sauce. C'est ça. Mais moi, je vais... on était à Atlanta, là. On va aller... à London. Yes. Pour la drill. Ouais. Parce que, je t'avais dit, ça va driller en France. D'ailleurs, tu les vois, les petits rappeurs là, qui commencent à poser sur des instrus drill. Bon, en tout cas, en Angleterre, ils sont de plus en plus chauds. J'ai l'impression qu'ils arrivent à maturation. sur la drill. Ah ouais, franchement. Donc là, il y a un petit nouveau que j'ai découvert tout récemment. Ouais. Il s'appelle Dick Dat. Il vient de sortir son premier album et l'album s'appelle 8 Mile en référence au film. Qu'est-ce qu'on apprécie pas ce moi j'aime bien ce film. J'avais d'ailleurs c'était une bonne ref. Non, on va pas parler de l'album d'Eminem. T'as pas mis Eminem. Il est trop fort, il rappe en soi de 120 mots en une seconde. Bon, franchement, c'est une bête de foire, c'est pas possible. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Moi j'ai zappé, j'ai même pas écouté. T'as pas écouté? Non. Bah moi j'ai écouté, de toute façon c'est simple, comme quand j'aime pas, je veux quand même écouter, j'écoute, je lui laisse à peu près 40 secondes par morceau, au tout début. Si c'est bien je laisse, sinon non. Il y a des bonnes instrus ou pas? Parce qu'à ce qui paraît il y a Dr. Dre. Ouais, c'est pas si mal, après franchement c'est juste que dès que j'entends sa voix, ça c'est personnel, c'est que je peux plus. Tu sais qu'il a fait un single avec Juice WRLD? Bah ouais. Je me suis dit mais quel faux cul, genre il va chercher le single d'un mec qui est mort. Ouais, alors que le gars critiquait cette génération, enfin c'est... Ouais, non, mais de toute façon, ce mec-là, il est flingué, c'est vrai, il est fatigant. Enfin, en bref. Tout cas, je garde une bonne image de Eminem de l'époque, des années 8 Mile, tout, en vrai, l'album qu'il a sorti après, c'était pas mal, encore et tout. B-Rabbit. Voilà, c'était cool. Et donc, ça a apparemment marqué ce jeune Dick Dat de South London. Ouais, il doit pas, c'est plus, à mon avis, dans le côté clash, tu sais. Mais en fait, voilà, il y a un clip qui s'appelle 8 Mile, issu de cet album, où en fait, il rejoue carrément une des scènes du film. Donc, c'est un featuring et ils sont tous les deux en train de faire une joute verbale, voilà. Et puis, mais c'est très anglais, hein, ils aiment ça. Ils aiment les battles, ouais, les ils trucs. Aiment ça, ouais. Et même pas forcément le but de s'insulter, plus d'être le meilleur au micro. Ouais, carrément. Et là, c'est un peu ça. Bon, après, Dick Dat, pourquoi il fait référence à 8 Mile? Je me suis posé la question parce que sa musique n'a rien à voir. C'est vraiment de la bonne drill comme ils en font en ce moment. C'est qu'en fait, il fait que des punchlines. J'ai commencé à lire ses textes. Okay. C'est hyper drôle. Il y en a une... T'aurais dû te la noter. Non, mais c'est un truc, je traduis à peu près mot à mot, mais il dit ta meuf sait pas cuisiner, par contre, ta meuf sait même pas cuire le riz, par contre, elle turn up dans ma Benz, dans la Benz de l'oncle. Ah ouais, Uncle Benz, tu vois, c'est lourd, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Il est bon. Franchement, il y en a plein, donc je vais pas toutes les relever. Bon, le morceau que j'ai choisi s'appelle 8 Styles, donc partout. Et il a vraiment une bonne tête de petit... De petit winner. De petit winner qui est sûr de lui, qui est un peu énervant. C'est le mec qui est agaçant. On aime bien. Et des fois, on les aime bien. C'est gala. Ils sont drôles. Donc voilà, à suivre ce Dick Dat. La tape, elle a une cover dégueulasse aussi. Je sais pas pourquoi. Mais vous verrez. Donc ça s'appelle 8 Mile. Bien sûr, il a mis un 8 à la place de 8. Vous trouverez. Non, en fait, c'est même pire que ça. C'est qu'il a écrit, écrit 8 et il a calé un 8 dedans. Enfin, c'est vraiment pas beau. Un bébé entouré d'un serpent jaune. Enfin, vraiment. Voilà. Bon Dieu. Bon, on écoute ça. Par contre, essayez de capter quelques phases si vous comprenez l'anglais. C'est hyper drôle. Sinon, allez sur Genius. Boy band all like jammer. Boy, when it kicks you ain't seeing no punches. Can I fill up this MC Hammer? If you ain't got gloves can't touch this. Get a pack how you still ain't sold that. Go send a text to all them fiends. I got bush that's black like cold that. E44Z and got 22 G's. Me I get gal anywhere that we go and the painting stop me for pics. And if you wanna come to my hotel tell them I'm there till 6. I don't wanna be an MCM but Wednesday show for it back like Thursday. Blood all over his shirt say trying to leave a pagan boy in the worst way. Bando called out office I put on my shoes don't let shots ring. Shot you all half my size, brought that pin, it'll let off spring. Had light like Charlie, flooded the ends, then we got other spots. Country. And I got Bob like Marley, my cats don't sing, but they all have a rock. Anytime they've come to the ends, we react fast like Denny and Renz. Real quick, Cobra, I need that drum, he said just go there where I parked it. And his teeth can't miss the jam, if I aim, I'll hit that target. Hey, Chantel and Shanice, I always see them with my man. And if I get a drop call, bro, but it might be false, I don't wanna excite, man. In my young way, press that button and buzz them flats for a 2-on-2. Buzz it. M tryna burn these brand new Air Max, bro, what'd you do with the shoes? Got brown like Nino in New Jack City, the same taste good like Megan. This dot's too long like Naya, I might have to chop it, trust me, a chefing. I ain't hearing that he say, she say, obviously I'm not in a game like EA. Tryna fill it to the max like TK, bro, these teeth ain't little like TJ. How he did it on camera. Hey, TG Ching, them I watched that replay. No JCB, but I've been on drills. I track like FIFA Street, got skills. Ain't touching my sprite. If it don't come sealed, pay racks for the lean, but she's trying to pop pills. Bought two rings, could have caught me a Germans. And I don't miss shots like Sterling. I was waving my sack like Merlin, turning, turning, when is it certain? Montclair with my young ting, needs spoiling. And I got a big batty ting in Croydon. Bring out the dots, needs oiling. Friends turn pack, you don't wanna go join them. She wants Chanel on her earrings, but I got a bad one with a tongue piercing. My name Diggs and I'm 30. Tryna bang goals like Rob Van Persie. Free S1, pray gets early. Might go banging on govs at Servery. Me and S like Wallace and Gromit. Might tow on your block, do travel agent. You don't wanna get caught like Thomas. Hate when you're trying to act nice. When I see you in a club with your friend, she can't even cook rice for your arch and a stunt in your uncle's Benz. Nighttime smoking cess. Ross it, can't take two when I pull it. Wake up, give a boy corn for breakfast. Pull that one day, the neutral bullet. You ain't been in a trap and heard that knocking. Banked it all cause you thought it's feds. Out late like foxes and I got cats that try shortbread. Yeah. Whip metallic, bandit hearts with acid, yeah. This whip it gallops, cowboy north from Dallas, yeah. Pour another, pour it in the chalice. Strength of palace, I've been trying to get it, homie. Need some balance, but this wave a new tsunami. I want the votes, check the ballot. They ain't changed, that's a habit. They do wrong, they'll be sorry. Next to me, that's morning glory. And I can't even play no more. The head so good, got me blinking more. I went from mama to the discount store, yeah. I changed that discount to the department store, yeah. I buy the Royal Oak, no offshore, yeah. I make transactions, I go offshore, yeah. Conversations, I go offshore, yeah. I check the time, it's the encore, yeah. Spoke to my jeweler, I told him I don't wanna freeze up. I tried to be rude, but they move like they be so much realer. I survived in the jungle, I prospered and turned to a gorilla. My bro lost his parents, he's burning, he turned to a killer. It's mad and it hurts, but that's how it goes where we be at. Got police around, they watching just where I'ma be at. If I hurt your feelings, I told you the truth, can you see that? Yeah, I told you the truth, can you see that? Yeah, back to the bando with Brizak. Sorry, I'm back in the bando with Brizix. I'm picking the slice with the pickaxe. Slowly it's thin and I'm hanging, I'm kicking. The ting always came with a kickback. back, surely a package, I'm ready for shipping. I ain't got the time for you, baby, I'm busy right now. There's no committing, baby, you know. She keeps on wishing it daily, you know. The track keeps on gripping me daily, you know. I'm harder at me and my faults, you know. I'm harder at me and my faults, you know. I'm harder at me and my faults, you know. I'm harder at me and my faults, you know. I'm harder at me and my faults. Bando ballads, got some bando ballads, yeah. Whip metallic, bandit hearts with acid, yeah. This whip it gallops, cowboy not from Dallas, yeah. Pour another, pour it in the chalice. Bando ballads. Et on a quand même bien calmé l'ambiance. Ouais, grave. Avec cette Bando Ballads, ouais. C'est le titre du morceau. Bah, ça, je trouve que ça correspond bien. Une Bando Ballads. Et c'est M. Uncho. Est-ce que tu crois que Bando, c'est comme en France ou pas? Bah, Bando, c'est le même mot dans tous les argots. Enfin, le Bando, c'est... Ouais, pour toi, même en Angleterre, pour toi, le Bando, c'est le quartier, quoi. C'est pour le toi. Quartier, ouais. Ouais, même en Angleterre, tu en crois fait, je pense qu'en fait, le mot, il vient... C'est clairement Migos qui l'a imposé. Bando, Bando. Enfin, ouais, ils l'ont imposé. Je dis pas que c'est eux qui l'ont inventé. Non, mais je sais pas trop qui l'a inventé. Et depuis qu'ils l'ont imposé, les mecs, ils leur prennent les 13 blocs et les Anglais. Ouais. Enfin, voilà, c'est donc, non, mais international. Moi... Ah ouais, je vais passer pour un ringard, mais juste, je savais pas qu'en Angleterre, c'est Bando, c'était Bando. Mais ils le disaient pas avant. Ouais. C'est juste que maintenant, ils l'ont pris. C'est... Donc lui, voilà, juste avant, c'était de la drill. Lui, il est plutôt dans une vague un peu, dans un truc plus... mélancolique. Plus mélancolique, avec plus d'efforts sur le texte, si je puis dire, et surtout avec... une volonté de chanter. Donc j'avais présenté un autre rappeur qui est dans la même veine que lui à la récolte de décembre. Mmh. Voilà, les deux sont un peu vraiment à écouter. L'autre, c'est celui qui a le masque ah, j'ai oublié. Le masque d'un personnage de Pirates des Caraïbes, celui qui a les tentacules là. Ah ouais, mais je sais pas, je sais même pas comment. Enfin bref, je me perds dans. Non mais par contre, non mais je vois tout à fait. Ouais. Donc M. Uncho, il vient de sortir un deuxième album après Dystopia. Il vient de sortir un truc qui s'appelle. Putain, j'ai pas de mémoire là, à l'instant. Je perds tous mes mots. Je vais vous dire ça tout de suite. Uncholino. The First. Uncholino The First. Et sur la pochette, il a une épée, une espèce de cape de roi. Donc vraiment, voilà. On aime bien. Et Uncho, M. Uncho, donc, il a la particularité de porter un masque, genre le même masque quasiment que dans Fantomas. Attention, voilà. Parce que Fantomas, quand même. Il est pas mal. Hein. Ouais. Donc voilà, il fait ça pour garder... à la fois le fait de rester anonyme et en même temps de dissocier l'artiste de la personne et qu'on s'intéresse qu'à sa musique plutôt qu'à sa personne. Voilà. Ouais, je comprends, mais comme un peu tous les gens qui portent un masque. Hein. Ouais, mais aussi il y a le problème de la drill en Angleterre avec la police qui interdit des concerts, etc. Qui fait le lien entre la violence et la musique. Bon. Ouais. R.I.P. Jean Marais. Quand même, la ref, bah ouais, la attends. Bonne ref. Ah bah... Bon, on va continuer du coup. Donc, Bando Ballads, c'est un des meilleurs morceaux de la tape d'ailleurs. Le reste est dans la même veine. Donc, écoutez, et toi, t'as aussi un morceau ouais, anglais, exactement. Pimoné, je le suis depuis quelques temps grâce à Spotify qui m'a fait des recommandations et j'avais trouvé ça plutôt cool ce qu'il faisait. Donc Pimone, c'est un rappeur plutôt de grime, mais pas que. Il fait aussi très actif dans la scène bassline. Je sais pas si tu vois la scène anglaise bassline. Bon, il a fait plusieurs performances et tout ça. Il avait créé aussi un groupe de grime à l'époque, ça s'appelait OGs. Il a sorti plusieurs albums et tout ça. OG Season Volume 1, qui était plutôt un truc qui était connu à l'époque. C'est un rappeur qui est né en 88, donc c'est pas un vieux ni un tout jeune. C'est un rappeur dans la force de l'âge. Monsieur Parry Moore Williams. Et donc là, Pimoni, il a sorti un morceau. Qui s'appelle exactement, je reprends The Calling. Exactement, voilà. The Calling, qui est un single en fait, tout simplement, qu'il a sorti le 24 janvier en featuring avec Silencer. C'est plutôt des influences grime, mais pas que. Je trouve que c'est plus calme qu'une grime. C'est comme si tu mettais une grime et que tu mettais un peu de l'eau dans le vin, tu vois ce que je veux dire. C'est, ok. Tu vas voir, c'est. Bon, c'est, on va écouter. On écoute et tu verras ce que t'en penses. Yeah. Yeah. Yo, how you feel is how I felt. Hungry to achieve as well as gain wealth. People telling you to contain yourself. I didn't listen to them, I listened to me. Cause to get to the top you could take yourself. Someone can start the journey off for you, but the rest of it you gotta take yourself. Let your ideas hit you, brace yourself. This is grand, we ain't like everyone else. We built this scene without anyone's help. Radio blocked us, but we rate ourselves. Look how many stations we've made ourselves. Got our own decks and we got our own DJs. Now every day we can play ourselves. Hijack airwaves and made ourselves. Now there's way more than reloads in this world. Trust me, if you wanna be a guy like me, first off gotta have drive like me. 1 AM burned 1,000 CDs. One at a time. You ain't had school nights like me. On top of that, didn't know who liked me. Cause back then we never had likes, my G. Went from Bluetooth and tune to my friends to DMs. Where I gotta translate Chinese. Cause this one's for all my people. Any profession, wake up. This is your calling. This one's for those that need it. No more sleeping late. Let's get it this morning. Stop putting off hard work. Get it over and done with. Trust me, why are you stalling? Take yourself off silent. That's opportunity calling. This one goes out to those alike. Do not miss the chance, do not miss the signs. I teach these lot, read between the lines. Forget the new year, now is your time. You're different, so they're gonna watch you more. That's cool, show them your energy draw. Out of 10, make sure all 10 of them sure. Show them you're ready, what you're telling them for. There's gonna be people that say you shouldn't. Blaze your own trail, and I bet next year you would have done things when you thought you couldn't. That's how you become an unstoppable guy or woman. When I'm on grime, I sound fire. Cause from young, this was my burning desire. Different parts of the world, standard admire. You know that it's hot when the flame is blue. And I'm gas, cause Lewisham is my supplier. Everyone that I listened to was a liar. But I got tools, big money, multiplier. Never retire, I'm more of a trier. And I'm sick and tired of hearing all these songs talking about what you got on your debit. There's so many people, they never credit. 2020 is your time to go get it. We rely on the creatives. Just look at what a new generation generated. I didn't wanna get a job, I asked questions and gained knowledge on the thing I created. This one's for all my people, any profession, wake up. This is your calling, this one's for those that need it. No more sleeping late, let's get it this morning. Stop putting off hard work, get it over and done with. Trust me, why are you stalling? Take yourself off silent. That's opportunity calling. This one goes out to those alike. Do not miss the chance, do not miss the signs. I teach these lot, read between the lines. Forget the new year, now is your time. This one's for all my people, any profession, wake up. This is your calling, this one's for those that need it. No more sleeping late, let's get it this morning. Stop putting off hard work, get it over and done with. Trust me, why are you stalling? Take yourself off silent. That's opportunity calling. This one's for all my people. Any profession, wake up. This is your calling. This one's for those that need it. No more sleeping late. Let's get it this morning. Stop putting off hard work. Get it over and done with. Trust me. Why are you stalling? Take yourself off silent. That's opportunity calling. M'a dit qu'il a gagné assez pour ses filles et ses fils. Et que s'il continue aujourd'hui à prendre tous ses risques, c'est pour que la communauté se pérennise. Il me dit qu'il faut qu'on s'unisse dans l'agriculture et dans le disque. Faut qu'ensemble on s'enrichisse dans le respect de nos églises. Car si demain seuls nos enfants s'épanouissent, les fils du voisin viendront les trucider pour leur pain et leurs épices. Les années ont passé, maintenant on peut dire que je suis pisse. tous les hommes explorent des pistes. Tous cherchent une paix, et sans elle, tous sont tristes. Un petit m'a manqué de respect, une larme a coulé. On peut dire que j'ai pleuré. J'ai vu mon esprit sortir de moi et l'étrangler et le tuer. J'ai vu sa mère pleurer, j'ai vu ses sœurs pleurer, j'ai vu ses tantes pleurer. Je suis trop fragile, oui j'ai pleuré. Quel fort physique prendrait mon esprit s'il sortait de moi? Il y a quelques années, t'aurais bouffé de la gorge à l'estomac. Aujourd'hui, il serait plus de lumière, oui je le veux, oui je le crois. Mes frères, je vous aime tous, mais à la base, respectez-moi. Les singes, les singes, les singes, le singe. Parce que tu sais que c'est permis qu'on t'écrase. Posé au grec de Dumas avec Doumams. Parle peu, attends de prendre mon dièse sur place. Ou de lâcher un 16 sur le son dans le casque. Bouffe les caméras et la surveillance. J'ai plus obéi un ordre depuis 93. Plus respecté une règle depuis 95. Réfléchi comme un lion en chasse dans les rues du 75. Coupé de nos racines, aéré comme nos mauvais esprits. Seule discipline, le hip-hop et le Nesby. Il s'en est passé des choses jusqu'à 2005. Madame David, papa et maman peuvent pas être des singes. Papa et maman peuvent pas être des singes. Ma Rosa Parks rime dans son linge et bien assise. Maintenant j'apprends que le fils de Marc Vivien Fouet est aux assises. Même si on réussit, que ferez-vous de nos fils? Combien de fois j'ai entendu, j'aime pas ce négro, c'est un escroc. J'aimerais le lui dire, mais c'est un négro. J'aimerais pouvoir me servir de lui, mais là l'écro. C'est un singe. Le singe. Les singes. Les singes. Les singes. Je suis que de passage, j'ai des problèmes de voisins. Dans le désert de l'Algérie, perds ma condition d'homme en Libye. Pire parfois dans nos propres pays, où j'ai vu des jeunes mourir en exil sans jamais sortir du pays. C'était des heures de colle, j'y pense pendant des heures de vol. Les humains ont le cœur crié comme une langue brûlée qui reconnaît même plus l'alcool. Y'a du business et de la méditation dans les heures de colle. Profitez de vos heures en cellule, profitez de vos heures en bagnole. On n'obtiendra rien de cette terre, travaillez pour votre mort. C'est comme ça qu'on va le faire, ils se foutent ta gueule de singe. Le singe. Les singes. Est-ce que tu remarques comment j'aligne les virgules au morceau précédent? C'est magnifique. Petite virgule d'Oxmo Puccino après, c'est magnifique. Après l'alco. Je peux rien dire, c'est magnifique. Donc là, on vient d'écouter l'alco, mon rap français comme vous avez pu l'entendre, qui refait surface. Donc ouais. Rappeur français qui s'est fait connaître avec le collectif 45 Scientifiques. Donc là, c'est vraiment à l'ancienne... français, toute cette époque lunatique, tout ça, voilà. Ben ouais. Et qui a mis du temps après à sortir des... Parce qu'il a quitté ce... Je sais pas si c'était un label ou... Enfin bref, il est repassé en indépendant, il a sorti des albums à partir de 2005-2007. Et là, il revient, 2020. Et donc, il a mis en ligne tous ses anciens projets. Donc vous pouvez réécouter ces classiques, Diamant de conflit, L'eau lave mais l'argent rend propre, sur lequel on trouve notamment un des morceaux que je préfère de lui, c'est L'argent du Vatican. Voilà, donc il a sorti deux projets coup sur coup sur Spotify. Donc il y a El Comandante Alpha, qui est un peu un mix des deux mixtapes qu'il avait faites, El Comandante. C'est des freestyles en fait. Freestyle à la radio, des inédits ou des versions différentes un peu de ce qu'on avait pu entendre. Et un album vraiment de titres inédits, Capital 2, dont on vient d'écouter Les Singes, C'est produit par Butter Bullet. Et si vous avez écouté l'émission de Mon Top 2010. Mais est-ce que c'est pas produit par Dela, c'est produit par... Oui, c'est Dela, mais en fait, c'est signé. En fait, ce qui est bien, c'est que même quand il s'agit de... C'est rarement écrit produit par Dela. C'est produit par Butter Bullet, en fait. Okay. En tant qu'entité. Voilà. Donc, peut-être qu'ils l'ont fait ensemble aussi. Hein. Mais en vrai, je pense que c'est Dela quand même qui est derrière la prod. Ouais, non, mais comme il n'y avait pas le petit. Tu sais, la petite. Ouais, mais il y a deux morceaux produits par Butter Bullet. Y a celui-là, Les Singes, et il y a L'Écorce du Roi. C'est les deux morceaux vraiment que j'ai retenus sur ce projet. Parce que j'adore leur prod. Et puis, je trouve que ça reste moderne. Et en même temps, ça permet à Lalco, qui est quand même un rappeur qui rappe à l'ancienne, qui ramène un peu ce rap qui est entre le rap street et du rap un peu, on va dire, de lyriciste un peu engagé. Pas vraiment engagé, mais avec une plume, quoi. Voilà. Plume du bitume, si je puis dire. Yes. Tout ce côté un peu en plus gangstérisme. Voilà, ça correspond à une certaine époque du rap français qui a de fin des années fin des années 2010. Malheureusement, tous ceux qu'on trouvera pas sur les plateformes de streaming, parce que la plupart de ces albums, ils sont sortis, il y avait pas d'argent dans le rap à ce moment-là. Enfin bref. Mais voilà, Lalco, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, sur tout l'album, j'ai pas tout apprécié particulièrement, mais voilà, je suis content qu'on retrouve sa plume, sa façon d'écrire qui est si particulière. Et puis, y a un truc très classe, très code de l'honneur et tout. Enfin voilà, comme les films de gangsters en fait. À écouter donc, Lalco. Yeah. En plus, vu qu'il a remis ses classiques sur les plateformes de streaming, c'est vraiment l'occasion de se replonger dans ce rappeur. Yes. Et c'est rare qu'on ait ce genre d'occasion dans le rap français. C'est vrai que sur Spotify, maintenant que j'y suis passé à 100% quasiment, on ne trouve pas tout. Non, il n'y a pas tout, c'est sûr. C'est chiant. On passe à la suite. Donc toi, tu avais un morceau encore. Je pense qu'on va finir là-dessus, hein, de toute façon. Bah ouais. Un morceau de Sir Michael Rocks, qui, pour au bon souvenir de ceux qui ne s'en rappellent pas, faisait partie du groupe The Cool Kids. Ouais, j'adorais. Ouais, en 2005, qui était sorti, qui avait fait un carton, hein, je pense. Enfin, pour moi, à l'époque. Ouais, c'est Bake Sale, leur je sais pas, leur premier album. Je sais plus comment il s'appelle, ouais, mais il était avec Peter from the Front Back. Je sais plus comment il s'appelait ce morceau. Enfin, en tout cas, c'était cool. Ouais, c'était cool. Donc, c'était cool. Enfin, bref. Là, son album s'appelle Broken Windows of Opportunity. Ouais. La fenêtre cassée des opportunités. Qui est sorti donc janvier, le 17 janvier 2020. Il y a 13 titres. C'est ça. Je trouve qu'on retrouve bien l'ambiance Cool Kids dedans, un petit peu. Ouais, je trouve, un petit peu. Alors, moi, j'avais pas mal suivi Sir Michael Rocks quand il avait arrêté un peu de faire du son avec Cool Kids, qu'il était parti en solo. Il s'était orienté vers un truc très planant, weed rap, un peu Mais il fait un peu des deux, en fait. Il fait un peu à la Cool Kids et un peu... Mais ouais. Il a gardé ce côté planant. En fait, il s'était rapproché de Jet Life, l'équipe de Currency. Ouais, mais après beaucoup. Il a collaboré, tu vois. Pour moi, ça me fait penser, c'est un peu du Mac Miller aussi, un peu, tu vois. Il est proche. Bah, ils se connaissaient, ouais. Too Short, Mac Miller, Twister, tu vois, c'est un peu le même genre, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Donc, on va écouter. Mais j'avais arrêté de suivre et du coup, je vais me replonger dedans. Écoute-le, hein, franchement. Hein, le morceau s'appelle Nomitoka et c'est le morceau que j'ai préféré de l'album. Bon, bah, on vous laisse là-dessus. Yeah. Et à la semaine prochaine. Touch Nomitoka. See, I can't let my hoes go until I get to know ya. That's my safety net. To catch them feelings, that's a safer bet. You my favorite. Coochie drip, diaper baby wet. But I need a lot of space though. Sometimes I'm social, sometimes I'm introverted and I'm not social. I got two apartments cause I'm bi-coastal. Yeah. Take a shower before we fuck cause I'm OCD. Pussy smelling like a flower, now I know it's clean. I put money over bitches so you know I'm sort of mean. And your auntie a crackhead who hit the shoulder lean. At the peak picnic. She embarrassing and irritating. I will go out to a party if I got some bitches waiting at the crib for me. My cousin hold a cig for me. I got 640, a 750 big on me. Sometimes I want you, sometimes I wanna fuck, but you don't want to. Now I don't want you. Get that ass out my way, I just caught a play. Get that ass out my ride, get that ass out of time. Sometimes I want you, sometimes I wanna fuck, but you don't want to. Now I don't want you. Get that ass out my way, I just caught a play. Get that ass out.